Mais prends garde, c'est joli tout ça, mais ça canarde. La belle bleue, mon cœur qui bouge, encore pas mort. Et la belle rouge, ma colère, y'a du rififi pour toi dans l'air. Pour toi j'étais qu'une escapade. On regroupit pas une grenade. Tu me fais le coup de la dérobade. Pour toi l'affaire est close. Je brûlerai si fort tu pourras plus respirer. T'as poussé sur le bouton, erreur, malheur. Bon, admettons, mais voilà, on peut pas rattraper cette.